Je laisse la parole à Elodie Georgievich qui nous parlera de l'institution de la raison, esprit objectif et normativité rationnelle chez Hegel. Je rappelle que Elodie fait partie de l'équipe Nosophie, doctorant, et elle est doctorante et prépare une thèse sur rationalité, normativité, Hegel et la question du jugement politique. Trente minutes de présentation et 15 minutes pour les questions. D'accord, bien. Bonjour, merci à tous de votre présence et un merci chaleureux à Caterina Gabrielli et à Thomas Boucon-Gibon pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir donné l'occasion d'y participer. Donc le titre effectivement est assez repoussant, j'espère que l'exposé le sera un peu moins. Si la modernité est, pour Hegel, l'époque dont l'une des caractéristiques majeures est qu'en elle se fait valoir et se déploie ce qu'il appelle le principe de la particularité du sujet, et si l'état rationnel est précisément l'état qui supporte et permet l'épanouissement de ce droit, je voudrais ici montrer comment et en quoi le concept hegelien d'institution est un des lieux centraux et décisifs de l'évitement du double écueil s'agissant du monde éthique et des normes qui s'y font valoir, du subjectivisme et de l'objectivisme, un des points conceptuels centraux donc d'une réconciliation avec l'effectivité à même l'objectivité, d'une réconciliation objective. Cette réconciliation doit s'entendre comme réconciliation entre, d'une part, les aspirations subjectives, celles du sujet particulier auquel, encore une fois, il est requis de la modernité de faire place et droit, mais qui, laissées à elles-mêmes, sont toujours susceptibles de se dissoudre en un vain moralisme, comme de dégénérer en un très actif fanatisme moral, et, d'autre part, le fait du monde, pourrait-on dire, ce que le monde est en ce qu'il s'impose aussi à l'individu particulier comme quelque chose d'objectif et qui lui fait face. Je suis désolée. J'avais peur que ça m'arrive, donc voilà, c'est pas moi. Parce que l'institution répond de l'effectuation et de l'objectivation de la rationalité et de la liberté convenablement comprises, l'institution hegelienne permet de conjurer tout à la fois la posture moralisante de la subjectivité que l'objectivité désole et qui juge du monde et de ce qu'il doit être à partir d'un idéal abstrait, et celle des demi-habiles qui croient devoir justifier tout ce qui est pour cela seul qu'il est et font de la factualité la seule sanction de ce qui doit être. Sous un autre aspect encore, il me semble que, avec le concept d'institution, aussi bien, on doit pouvoir voir la réponse hegelienne à la disjonction posée comme irrémédiablement exclusive, du moins dans les mille, par Rousseau, entre l'homme et le citoyen. Parce que, cependant, l'esprit objectif est encore pris dans l'affinité, parce qu'il est l'esprit en tant qu'il affronte une naturalité, c'est-à-dire, pour Hegel, une contingence qui reste irréductible, cette réconciliation que prétend être la réconciliation objective, et dont le concept d'institution constitue comme le centre, n'en est pourtant jamais pleinement une, elle est toujours incomplète et inachevée. Inachèvement dont je voudrais montrer qu'il se manifeste encore dans le concept d'institution lui-même, dans le rapport qu'entretiennent les institutions particulières à ce qu'on pourrait appeler l'institution de la raison, comme processus par lequel aussi les institutions changent et se modifient. Alors, cette double affirmation, donc de l'institution comme lieu objectif de la réconciliation et comme manifestation de ce que cette réconciliation en réalité d'inachevé, je voudrais en fait essayer de l'établir à partir d'un angle qui peut paraître assez curieux, celui du traitement hegelien de la question de la sécurité. Choisis cet angle d'abord pour essayer de montrer comment se déploie ce concept à partir de quelque chose de plus concret au sens non hegelien du terme, pour essayer de le rendre peut-être un petit peu moins indigeste. Ensuite, parce que m'avait dit qu'effectivement cette demi-journée serait plus particulièrement consacrée à la question de l'institutionnalisation du social, précisément, c'est un lieu. Me semble que ce traitement de la question hegelienne de la sécurité est adéquat pour ce faire. Alors c'est assez curieux parce que si la question de la sécurité est effectivement un enjeu majeur de la philosophie politique moderne hantée par les guerres et les guerres civiles, c'est une question qui peut paraître assez en marge finalement dans la philosophie pratique et politique de Hegel. Cependant, même si ça semble d'abord être le cas, il me semble que justement la sécurité, les enjeux qu'elle soulève, les sujets de son exigence et les objets de son attention offrent pourtant un axe d'analyse privilégié pour tenter de saisir les rapports entre l'individu comme sujet social, comme membre de la société civile donc, et comme sujet politique, citoyen et membre de l'État, ainsi que la relation entre la société civile et l'État eux-mêmes. Et c'est précisément pour cette raison, parce qu'à travers cette question et son remaniement hegélien se donne à voir de manière toute particulière le traitement et le règlement hegélien de la question du droit de la particularité du sujet et du rôle que jouent à cet égard les institutions, que je veux donc le prendre comme fil, pour fil directeur de mon propos. Alors celui-ci s'organisera de manière en réalité non hegélienne en trois temps. Je voudrais d'abord essayer de montrer comment l'institution et particulièrement les institutions sociales se présentent, je reprends une formule de Hegel, comme puissance du rationnel à même la nécessité. Ici ce seront plus particulièrement donc la société civile et les institutions sociales qui m'intéresseront. Il s'agira ensuite de montrer en quoi l'institution est aussi véritablement constitutive et constitutive du sujet lui-même chez Hegel. Et là, c'est en essayant d'examiner le rapport de la société civile à l'État et donc par là même de l'individu au citoyen et la médiation que constitue à cet égard l'institution que je voudrais le faire. Enfin, dans une troisième partie qui sera conclusive, je vous rassure, il s'agira de voir en quoi les institutions, en tant que multiples et particulières, sont en réalité débordées par une rationalité et une normativité qui, bien qu'elles se manifestent en elles, les excèdent en tant justement qu'institutions particulières, et de voir ce que peut être, donc en regard des institutions, l'institutionnalisation du rationnel lui-même. Alors d'abord, je voudrais essayer très rapidement, et j'espère que ça sera relativement clair pour autant, de donner les grandes lignes de ce qu'est une institution pour Hegel. Alors, les principes de la philosophie du droit sont, donc, on le sait, le lieu d'exposition qui est comme indépendant, relativement indépendant évidemment, de la doctrine hegélienne de l'esprit objectif. Et par esprit objectif, il faut entendre l'esprit en tant qu'il se fait monde. Cette objectivation de l'esprit, qui est en même temps sa libération à partir de l'immédiateté première de la nature, voilà ce que Hegel appelle donc le droit, et ça doit faire bondir les juristes qui sont dans la salle, puisque donc le concept hegélien de droit reçoit une acception en réalité extrêmement large, puisque pour Hegel, qu'un être-là en général soit l'être-là de la volonté libre, tel est le droit. Donc, en sa concrétude, l'esprit objectif est ce qu'Hegel appelle éthicité, et dans les principes, donc après l'exposition de ces deux moments, abstraits, c'est-à-dire qui supposent justement ce plan concret de l'éthicité pour se développer pleinement, que sont donc le pôle abstrait comme le droit abstrait pardon comme pôle en quelque sorte subjectif et la moralité comme son pôle en quelque sorte aussi subjectif. Elle comprend justement ces deux aspects, non pas comme juxtaposés ou additionnés, l'institution est précisément ce qui doit permettre de sortir de l'alternative objectivisme-subjectivisme, donc dans cette conception de ce que Hegel appelle le droit. Plus avant, pour préciser un peu, si le droit lui-même, donc ainsi largement entendu, doit comprendre et intégrer le moment kantien capital de l'autodétermination par par le sujet des normes de son agir. Les apories auxquelles mène le point de vue moral montrent bien justement que celui-ci est par lui seul impropre à dégager des normes qui puissent être véritablement posées comme vraies et stables. Et donc ici justement se situe l'enjeu relativement connu, je crois, de la transition de et de la nécessité de la transition de la moralité à l'éthicité. Le problème étant que la conscience morale ne se suffit pas à elle-même, mais suppose, pour s'accomplir et pour être effective, le plan concret de l'éthicité par lequel seule elle peut, tout à la fois, recevoir un contenu et le terrain de son effectuation. Donc, par distinction de la conscience morale qui est seulement formelle et auquel peut seulement aboutir justement le point de vue de la moralité, la conscience morale véritable est justement ce pouvoir de la subjectivité de se déterminer dans son savoir comme dans son vouloir à ce qui est en soi et pour soi. Sans ce contenu, justement, la conscience morale donc, reste seulement formelle et elle ne peut prétendre à être véritable. Or, c'est précisément l'institution qui, dans le vocabulaire et la conceptualité hegélien, est ce par quoi, je cite la remarque du paragraphe 144, « l'élément éthique a un contenu stable, pour soi nécessaire, et situé au-dessus de l'opinion et du bon vouloir subjectif ». Alors, par cette détermination, on comprend que s'en tenir en réalité au strict point de vue de la moralité condamne au mieux à l'ineffectivité de ce que Hegel peut appeler parfois la moralité morte, ou au pire au subjectivisme moral le plus plat qui est aussi susceptible d'être le plus dangereux, et en regard, l'éthicité, dans sa structuration institutionnelle, se présente au contraire comme bien vivant, en ce que, par elle, la volonté subjective trouve ses principes stables, ainsi que la norme de son agir, et, en retour, la volonté subjective est aussi ce par quoi, justement, l'éthicité elle-même est quelque chose qui a véritablement une effectivité, c'est-à-dire est réellement animé, vivifié par l'agir individuel des sujets. Donc là, je vous renvoie sur l'exemplier, c'est la deuxième citation, c'est la définition de l'éthicité telle qu'elle est donnée, à l'ouverture de la section éthicité. Donc, ainsi, le concept d'institution et son corrélat, donc du côté du sujet qu'est le concept de disposition d'esprit, entend en quelque sorte répondre à un problème posé par le monde moderne, celui de la scission possible entre l'individu et le citoyen. Donc, à la question de la satisfaction des aspirations légitimes, pour Hegel, du premier à l'autodétermination, sans pour autant tomber dans les écueils du moralisme. Le monde moderne et, corrélativement, l'état rationnel doit pouvoir justement satisfaire ce droit suprême du sujet, qu'est le droit de ne rien reconnaître qui est le droit de ne rien reconnaître de ce que je ne distingue pas comme étant rationnel, mais précisément, ce discernement proprement rationnel ne se confond absolument pas avec les travers et les délires du subjectivisme moral. Et la formule qui l'exprime, la double formule qui l'exprime sans doute le mieux, c'est que pour Hegel, si justement l'État, en tant qu'État rationnel, doit faire sa part à ce droit de la subjectivité, le sujet particulier, en retour, doit faire sa place à ce que Hegel peut à l'occasion appeler le droit de l'objectivité. Et c'est précisément, justement, dans cette conciliation que, dans l'institution que cette conciliation trouve à exister. Alors, après cette détermination très générale du concept hegélien d'institution, je voudrais, comme annoncé, essayer de l'expliciter et d'en montrer les implications à travers le traitement hegélien donc, de la question de la sécurité, dont on peut voir le traitement, selon, encore une fois, une acception assez largement remaniée, dans la manière dont ces aspirations des individus particuliers trouvent, ou doivent trouver leur solution institutionnelle. Et le point le plus dur ici, c'est justement qu'elles doivent aussi le trouver dans le moment de l'éthicité où cette question se pose le plus durement et le plus frontalement, c'est-à-dire dans la société civile. Il me reste combien de temps ? Un quart d'heure ? D'accord, donc je vais... donc d'abord, préciser que rien n'est plus éloigné, effectivement, de la conception hegélienne du politique et de l'État que de le concevoir comme n'ayant pour tâche et pour fin, pour raison d'être, que la sauvegarde de la propriété privée, de la jouissance par les individus de leurs droits dans la mesure de la coexistence des libertés, donc ainsi entendues, autrement dit, que la question de la sécurité classiquement entendue. Pour Hegel, effectivement, assigner pour fin dernière à l'État la sécurité des personnes et des biens, voilà qui relève d'une confusion entre la société civile et l'État. Et la preuve en est que la sécurité ne puisse précisément pour la fin ultime du politique et de l'État, une des preuves, c'est l'évaluation relative, enfin extrêmement pardon, constante tout au long de son œuvre publiée, comme l'a d'ailleurs montré par ailleurs Jean-François Carvégan, c'est l'évaluation toujours positive, alors en un sens qu'il faudra préciser, de la guerre. Et effectivement, si à travers la guerre, il y a mise en péril de ce qu'en termes lockiens on pourrait appeler pour chacun ses biens propres, donc sa vie, sa liberté et ses richesses, eh bien, pourtant, chez Hegel, il y a une évaluation positive de celle-ci. Alors, avant tout, la préoccupation sécuritaire se présente en réalité, pour Hegel, comme étant d'abord une préoccupation de l'individu en tant que membre de la société civile, de l'individu particulier en tant qu'il poursuit ses fins et ses intérêts particuliers, bien plus que du citoyen finalement, ou encore la sécurité apparaît comme ayant pour corrélat l'individu en tant que sujet social, bien plutôt que comme sujet politique à proprement parler. Et à cet égard, c'est à juste titre que le Marx de la question juive, qui commente l'article 8 de la déclaration de 93, donc c'est l'article qui définit la sûreté, justement, en appelle à la conception hegélienne de l'État, de la société civile et à sa détermination comme état de la détresse et de l'entendement, justement, pour rendre compte de cette notion. Alors, que la société civile puisse se présenter comme le moment de l'éthicité où se pose de manière privilégiée la question de la sécurité ainsi entendue, cela se comprend encore à partir de sa détermination comme État extérieur, comme système de dépendance multilatérale, détermination qui implique en retour la caractérisation même du sujet social. Ce sujet, en effet, est un sujet de besoin qui poursuit son bien-être et sa satisfaction particulière. Donc, de la sorte et de manière privilégiée, la société civile se présente comme le lieu de plein épanouissement du droit de la particularité du sujet. Je vais passer sur la détermination plus précise peut-être de la société civile pour avoir le temps de tout dire. Ce qui est caractéristique de la société civile pour Hegel, c'est que précisément ici on a affaire à un rapport de nécessité qui reste toujours externe, ce que l'idée, s'agissant du système des besoins, l'idée de main invisible donc de Smith représente bien. C'est-à-dire que dans la société civile, l'universel apparaît toujours aux individus en tant que personnes privées comme justement un moyen. Et le corrélat de ça, l'exacte implication de cela plutôt, c'est que la société civile, en réalité, est de part en part marquée par ce que Hegel appelle la loi de l'affinité, qui se caractérise justement par cette dialectique de la nécessité et de la contingence, et en vertu de laquelle chacune se renverse tour à tour dans l'autre. Donc il y a vraiment ici, c'est le lieu de la part irréductible de contingence qu'on trouve à même l'éthicité chez Hegel. Donc à cet égard, si dans la société civile, la garantie de la satisfaction des besoins se présente bien comme un but pour les individus particuliers et notamment sous le rapport de la richesse et de la production, l'inégalité des talents, les circonstances contingentes, etc., de même que le mouvement même de développement de la sphère des besoins, rendent justement contingente cette satisfaction elle-même. Or, si la société civile est bien lieu de déploiement du système des besoins, donc du procès, de la production des richesses et des contradictions produites par lui, elle intègre justement également les institutions que sont l'administration du droit, de la police et de la corporation, qui apparaissent comme autant d'instances de régulation de ce procès et de ses effets. Or, si la première, donc l'administration du droit, a plus particulièrement pour but et pour fin donc d'éliminer la violation de la propriété et de la personnalité, c'est plus particulièrement aux institutions de la police et de la corporation que revient la tâche de prévenir, de corriger, de gérer en quelque sorte, cette contingence propre de la société civile, laquelle, encore une fois, est reconduite par son procès même. Et de la sorte, ce qui est assez remarquable tout de même en contexte, c'est que la sécurité ainsi entendue donc par Hegel, ça ne concerne pas seulement la protection de la propriété, donc qui concerne exclusivement l'administration du droit, mais ça concerne en réalité la prévoyance à l'égard des conditions d'effectuation générale du droit de la particularité du sujet, donc, et de la satisfaction de ses besoins. Et dans cette régulation de la contingence irréductible que présente la société civile et particulièrement le procès de la production des richesses, c'est plus précisément l'institution de la police qui va jouer un rôle fondamental. Alors police, c'est pas ici, il faut l'entendre au sens classique, enfin, le sens qu'il a en fait. Dans la Polizeiwissenschaft, donc qui est une science toute jeune quand Hegel écrit les principes de la philosophie du droit. Donc je ne vais pas rentrer dans l'exposition détaillée donc, de cette institution et des objets précis sur lesquels elle doit porter son attention. En réalité, ça va de la régulation des prix à la gestion de l'approvisionnement de certains produits de base et même l'instruction publique. Il me semble que là, je parle sous le contrôle de Monsieur Carvégan, j'ai cru comprendre qu'en fait c'était plus particulièrement une tâche de la police. Mais ce qui est fondamental, le caractère majeur de ce que cette institution remplit, c'est justement de manière générale la prévention et la correction des contingences et contradictions produites par le procès du système des besoins, c'est-à-dire en réalité donc la prévention et la correction de la pauvreté nécessairement engendrée par le mouvement même de la production des richesses, et c'est à cette fonction d'ailleurs qu'est consacrée la plus grande partie de l'exposition de l'institution qu'est la police. Alors, je passe très vite pour essayer de pouvoir arriver à autre chose. Donc, la police, s'efforce de corriger ces contradictions inévitables. Alors, dans le même temps, elle n'y parvient jamais pleinement, et on sait le destin que pourront avoir ces analyses, notamment chez Marx. Et il apparaît en effet que malgré l'excès ou l'accumulation en surplus malgré l'excès de fortune, la société civile n'est pas et n'est jamais, ajouterais-je, assez fortunée, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas suffisamment en la richesse qu'elle a en propre pour remédier à l'excès de pauvreté et à l'engendrement de la populace. Alors, il y a une gestion de la contingence à même la société civile par cette institution sociale qu'est la police, et plus avant, j'espère pouvoir y revenir tout à l'heure, par la corporation. Cela dit, il y a une part de contingence qui ne peut pas être institutionnellement réglée, et c'est pourquoi d'ailleurs Hegel pourra écrire par ailleurs que ici, la moralité, et là sous la figure de la charité, trouvera toujours à œuvrer. Cela dit, l'État est d'autant mieux constitué que la charité est le bon vouloir particulier à moins à faire. Il me reste 4 minutes. Bon. 5. Merci. Alors, donc, on a vu très rapidement, enfin, voilà, ce règlement institutionnel, entre guillemets, de la contingence inévitable qu'on trouve au sein de la société civile par l'institution, c'est ce en quoi, pour part, elle peut justement se présenter comme puissance du rationnel à même la nécessité. Cela dit, cette question de la sécurité et de l'institution ne se joue évidemment pas que dans cette sphère, où on voit d'ailleurs qu'elle elle n'est jamais totalement résolue. Elle se joue encore dans le rapport entre société civile et État, et elle se joue bien entendu dans l'institution qu'est en quelque sorte par excellence l'État, et donc c'est à celle-ci, relativement aussi aux institutions sociales, que je voudrais désormais consacrer donc mon examen. Alors, je n'aurai pas le temps, donc je vais passer très très vite. Et c'est dommage parce que je voulais répondre justement sur... à la question de la fameuse détermination de la philosophie politique de Hegel comme un étatisme, et justement je voulais essayer de montrer en quoi aussi comprendre cette institution qu'est l'État, et ça me semble très représentatif justement de ce qu'est une institution, ne fonctionne pas du tout. L'État comme institution politique ne se présente pas du tout par exclusion ou par élimination de ce que peuvent être les institutions sociales. Corrélativement, ce qu'est le sujet politique ne se construit pas, ne se pense pas du tout chez Hegel par exclusion de ce que peuvent être les déterminations sociales du sujet. Tout au contraire, il y a réellement un lien de détermination réciproque entre les deux. Je passe très très vite en fait là-dessus. Je c'est dommage. Non mais quand on peut... Oui. Si c'est essentiel, c'est important de. Alors, je vais pas. Enfin bon, je voulais un. Pardon. Non. Alors, j'aurais voulu, mais enfin bon, peut-être, je laisse ça pour les questions, essayer d'expliciter le concept hegelien de souveraineté et son idée qui peut, à certains égards, paraître étrange, selon laquelle c'est l'État qui est souverain et non pas le peuple. Et justement, s'il est souverain, c'est en tant qu'il est idéalité des sphères particulières. C'est-à-dire non pas, par quoi il faut entendre non pas évidemment la suppression de celle-ci, mais ce qui les pose et les ramène à l'affinité que constitutivement elles ont et sont. Et bon, c'est à travers la théorie de la guerre comme moment éthique que cela s'explicite le mieux, mais je passe assez rapidement là-dessus. Je voudrais montrer en quoi on peut considérer l'institution comme réellement constitutive du sujet, et au plus haut point par la médiation entre les institutions sociales et l'État. Et cela me paraît particulièrement manifeste dans la détermination hegelienne de la seconde chambre, ou chambre basse, où justement Hegel insiste sur le fait que ce n'est précisément pas abstraction faite que ce que l'on de ce que l'on peut désigner comme sa détermination sociale que en contexte de modernité l'individu est citoyen, qu'il reçoit une détermination politique, mais tout au contraire, c'est par cette détermination même, en tant que justement elle est redevable d'une organisation elle-même institutionnelle, que le sujet particulier est citoyen. Et justement, au sein du pouvoir législatif, la Chambre des députés, donc, qui est pour Hegel la représentation du côté mobile de la société civile, dont elle est donc par ailleurs l'émanation, ce qui est très important ici, c'est que Hegel montre que cette médiation qu'est justement la représentation doit elle-même être assise sur la structuration pré-politique permise dans la société civile par les corporations, donc institutions sociales dont, que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que la représentation elle-même, donc la représentation politique, suppose déjà cette première médiation du particulier et de l'universel, cette unification qu'opère l'institution de la corporation. Et en cela, celle-ci se présente d'ailleurs comme véritable interface entre la société civile et l'État. Et encore une fois, c'est vraiment une institution qui remplit ce rôle d'interface. Ainsi, dans le paragraphe qui expose d'ailleurs ce que doit être cette chambre, la remarque tout entière disqualifie justement l'idée selon laquelle tous, sans plus de détermination, devraient participer de manière individuelle aux affaires de l'État, pour lui préférer justement la conception selon laquelle ce n'est justement qu'en étant membre d'un État, alors État avec un petit E, qu'il faut entendre comme dans l'expression tiers-État, ce n'est qu'en étant membre d'un État et cette appartenance aux États, c'est la corporation justement qui en structure les modalités, que l'on peut être membre de l'État avec un grand E. Cette fois. Donc, ce que je voulais montrer par là, c'est qu'il n'y a absolument pas de rapport d'exclusion donc, entre la détermination sociale et politique du sujet. Au contraire, on a une corrélation de celle-ci à celle-là. Tant il est vrai aussi, pour Hegel, que c'est en tant que membre de la corporation que le sujet acquiert, je le cite, « la droiture et l'honneur attachés à l'État », disposition d'esprit éthique spécifique au système des besoins et par la médiation de laquelle seulement la disposition d'esprit véritablement politique peut être acquise. Je suppose qu'il faut que je conclue. Alors, en réalité, en prenant pour fil conducteur, pour expliciter certains aspects du concept hegelien d'institution, la question de la sécurité, donc ainsi largement entendue, je voulais essayer de montrer en quoi et comment l'institution se présente comme lieu de l'avènement et de la constitution de l'universel, à même le particulier, de la liberté, à même le fini, fini qui est par nature pris dans la dialectique de la nécessité et de la contingence. Alors, on regarde, alors là c'est sur les moments où j'ai passé vite, je finis juste là-dessus. Alors, cela dit, si on regarde la sécurité des sujets particuliers, la sûreté de l'État entendue comme l'existence et le maintien de l'existence de sa souveraineté pouvait se présenter comme fin supérieure et absolue, cette fin qui est dans les paragraphes sur la guerre qualifiée d'absolue se voit en réalité elle-même relativisée et en dernière instance elle est relativisée par l'histoire mondiale elle-même en tant qu'en elle s'exerce justement le droit supérieur de l'esprit du monde, droit que Hegel peut à d'autres endroits aussi appeler droit de la raison. Et si, en réalité, et pour conclure, vraiment dernière phrase, si donc l'institution se présente dans l'esprit objectif comme un concept qui permet, entre guillemets, de résoudre le problème des aspirations individuelles et l'existence d'une sphère politique à proprement parler, en ce que les institutions se présentent aussi comme objectivation de la rationalité et de la liberté, et qu'en réalité, en elle, c'est aussi bien la normativité de la raison qui s'objective. En réalité, celle-ci déborde largement celle-là, et c'est aussi ce que montre, à mon sens, l'insertion justement d'une partie histoire mondiale dans les principes de la philosophie du droit eux-mêmes, qui pourtant présentent l'état rationnel. Et c'est précisément à cet endroit que on peut penser les institutions aussi dans ce qu'elles ont de dynamique, c'est-à-dire en tant qu'elles changent et que d'une certaine manière elles doivent changer. Je m'arrête là. Merci, merci pour ces riches exposés. Et je laisse la parole à la salle pour les questions. Une curiosité. Est-ce qu'il y a un mot comment il thématise l'institution? Est-ce qu'il y a un mot pour l'institution? C'est quoi l'institution? Est-ce qu'il y a institution? Ou qu'est-ce que c'est l'institution? Alors voilà le terme allemand, c'est vrai que je disais. Oui, mais en fait, le mot est très... Non, il est fin. Oui. Par ailleurs, en tant que tel, elle dit. Apparaît, je crois, 4 fois dans les principes. J'ai pas fait. Sinon, il parle aussi de Heinrichskommen. Mais il n'y a pas, justement, il n'y a pas un mot. Alors, donc, on peut se poser la question, s'il n'y a pas le mot, est-ce qu'il y a le concept ou est-ce que c'est une lecture rétrospective? Mais c'est vrai que de fait, thématiquement, il n'y a jamais, voilà, un mot. Enfin, il définit l'éthicité, il définit la disposition d'esprit, il parle de système institutionnel. C'est une chose. L'institution, c'est un concept. Oh, oui, au sens. Au sens strictement technique, non, enfin, c'est vrai que c'est. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de théorie de l'institution de Schlegel. Tout dépend. Enfin, conceptuellement, si, je pense qu'il y a. Il y a tout de même, justement, dans cette idée de mix d'objectivité et de subjectivité calée, je pense que ça, c'est le problème trouver. De la morale. Pourquoi? C'est le problème de la morale. Bon, la morale, c'est dans un contexte de subjectivité qui doit s'universaliser. Donc on le trouve partout. Quand on parle de morale, on parle toujours de subjectivité, d'objectivité. Ah oui, non, mais sauf que là, il y a quand même des. Il y a une règle qui peut. Une volonté qui doit s'universaliser. C'est une chose. Oui, voilà, là, il y a l'extériorité. Oui, c'est la police, la corporation, l'État sont. La volonté est dirigée à une conduite. Donc il y a toujours. Je veux faire quelque chose. Non, la quelque chose, l'objet, la rationalité de Husserl, c'est une extériorité. Non, mais là, elles ont une existence factuelle. Enfin, la corporation, la police, l'État, ça a une existence très factuelle. C'est pas seulement des objets tels que corrélat de la visée morale. Il y a vraiment il y a quelque chose qui existe qui s'appelle sans cédéline. L'État, c'est pas simplement moral justement pour cette raison. C'est qu'il y a le corrélat objectif n'est pas simplement On peut parler de faits sociaux. Il y a des faits, de la facticité. Mais dans cette facticité, c'est où la place de l'institution? L'institution, ce n'est pas toute la facticité, c'est une certaine portion de la facticité, une portion spécifique. Quelle est la spécificité de cette portion? Mais justement, tel que je le comprends, au sens où elle est un mixte d'objectifs, hein, où elle est un lieu normatif et qui existe, qui concilie les aspirations les aspirations subjectives des individus et l'objectivité du monde, aussi bien les normes qui sont présentes dans le monde. Oui, si je peux dire un mot à ce propos, puis après je crois qu'on peut dire qu'il y a un concept d'institution chez Hegel, mais qu'il n'y a pas de mot, effectivement. qui ne dispose pas encore d'un vocabulaire, mais disons, en tout cas, il y a tout un courant de lecture actuel, hein, qui remonte à Dieter Henrich, mais qui ensuite s'est diversifié. Bon, on peut dire Terry Pinkard, Honneth, moi, quelques autres, qui considèrent que la structuration institutionnelle de la Sittlichkeit est ce qui rend compte d'un certain nombre de propriétés. Mais alors, là, justement, j'en viendrai un peu à une critique. Pas une critique, mais une petite objection. La corporation, c'est une institution. Le Parlement, c'est une institution. En un autre sens, on pourrait dire que la propriété, c'est une institution. Et là, on rentre dans le problème de l'équivocité de ce concept qui désigne aussi bien la distinction que faisait Horiot entre institution-personne, institution-chose. Le problème se pose ici. En revanche, la police. Est-ce que la police est une institution? Pour Hegel, je dirais que non. Parce que la police, c'est plutôt un ensemble de pratiques. Ce n'est pas une institution, parce que là, c'est vous qui projetez une représentation moderne ou ultérieure sur le texte de Hegel. Je crains. Hein. Quand Hegel parle de police, il emploie le mot au sens du XVIIIe siècle, où on parle de la police des grains ou de la police des prix. Donc, c'est une pratique de régulation ou de réglementation qui, bien sûr, suppose des institutions. En gros, l'administration de l'État. Mais qui n'est pas en elle-même une institution, plutôt, je dirais, un ensemble de pratiques qui supposent un lieu institutionnel, donc l'administration étatique. C'est sur ce point seulement que je me démarquerai de votre exposé. C'est quand vous dites que la police est une institution. Mais bon. Moi, j'ai. Vous voulez dire que si elle est une institution, c'est uniquement parce qu'il y a une reprise, en fait. C'est Dieter Walt, l'institution qui met en... Mais vraiment, Hegel a un concept très classique, d'ailleurs, de police. Hein. La police, c'est une pratique. C'est la réglementation. En fait, on dirait aujourd'hui réglementation. La réglementation. Et c'est ça, la police. Et donc, la police n'a pas un statut comparable à la corporation, qui est vraiment, elle, évidemment, une institution, avec une institution dotée de personnalité, etc., etc. Bon. Moi, je l'entendais, mais je suis d'accord avec la restriction que vous apportez. Je l'entendais comme institution parce qu'il me semblait qu'elle répondait malgré tout. Bon, alors c'est peut-être parce que j'ai outré le sens d'institution vraiment dans le sens de effectivement puissance du rationnel à même la nécessité où effectivement la police me semble répondre à cette caractéristique de l'institution par laquelle il y a réellement une pratique norme, il y a quand même une instance qui inscrit des règlements normativement dans le mouvement possiblement désordonné du particulier, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant pour en faire une institution, peut-être, au sens... Non, mais il y a bien une ou deux institutions derrière, bien sûr. Et ce serait plutôt, disons, la police étant plutôt le mode d'agir de cette institution, ou elle-même diversifiée, je sais pas. C'est vrai que, de fait, il n'y a pas de... Les agents de l'État, d'une manière générale, les fonctionnaires... Donc la véritable institution, ce serait l'administration en général et oui, peut-être. Elle-même différenciée. Mais là, on est dans la reconstruction parce que c'est vrai qu'il n'y a pas quand même, il n'y a pas un concept explicitement formulé d'institution. Hein. De temps en temps, il en parle. Ça relève un peu de la reconstruction. Mais en même temps, je vois difficilement comment on peut analyser en d'autres termes qu'en termes institutionnels l'ensemble de pratiques que Hegel thématise, que ce soit dans la troisième, à la fin du développement sur la société civile, ou bien sûr, à propos de l'État. Bon, mais je ne veux pas monopoliser. Sur le terrain que j'étudie, je vois un développement de règlementaires, de normes, etc. Donc j'essaie de savoir pourquoi. Et est-ce que je peux dire que c'est une expression de rationalité qui s'exprime beaucoup plus qu'avant? Est-ce que je peux utiliser cette explication-là? Est-ce que je peux dire qu'on essaye de corriger davantage les déséquilibres qu'avant? Comment est-ce que tu verrais les choses? Est-ce que tu peux préciser en fait à quelle fonction particulière tu... Parce que, c'est des normes sur la conception du matériel, sur l'emploi des matériels, sur la maintenance, sur des pratiques. C'est vraiment large, je trouve que ça va vraiment de plus en plus loin. Oui, oui. Mais alors là, je me demande, alors c'est vrai que je n'ai pas spécifié, c'est un tort, mais c'est vrai que la norme, en fait, je l'entendais en un sens... j'appellerais fort, c'est-à-dire vraiment pas au sens de... J'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est plus des processus de normalisation, au fond. C'est-à-dire d'avoir des standards de... alors que là, lorsque je parlais de normes, c'est vraiment d'un devoir-être qui est posé, qui est lui-même posé comme rationnel. Donc c'est un sens plus... Si on parlait de réglementation des normes, on n'est pas sur un devoir-être. Si, puisque là, ce qui doit être, c'est qu'il y a un devoir, c'est assez étonnant tout de même chez Hegel, c'est-à-dire qu'il a tendance à considérer que, je pense que la pauvreté, parce qu'elle est, engendrée par le processus de la société civile elle-même, c'est la société civile qui doit y remédier, c'est-à-dire c'est un devoir, entre guillemets, ça doit être pauvre, c'est pas, ou misérable, c'est pas qu'un problème... d'infortune, c'est un problème d'injustice. Il faut. Je sais pas si ça répond. Hein. Mais je pense que c'est pas le même sens de norme, peut-être. Vous pouvez lui concéder ça, me semble-t-il, que la normalisation, qu'il s'agisse de la normalisation des objets fabriqués ou même de la normalisation de certains comportements, l'institution scolaire, relève du champ des pratiques institutionnelles. Avec les connotations négatives et positives qui s'attachent à l'idée de normalisation. La police, au sens légal, c'est bien... des pratiques de normalisation d'une certaine manière. Mais il y a aussi la normativité, véritable, je pense. Non. C'est pas... Juste une question, je ne comprends pas souvent. Est-ce que la police, dans les systèmes légaux, est placée entre les systèmes de besoin et l'État, ou c'est déjà non intégré comme organe d'État? Mais en réalité, comme la corporation, la société civile elle-même ne peut se déployer que si l'État est... Donc en réalité, les institutions sociales elles-mêmes, je parlais de détermination réciproque tout à l'heure, mais elles ne peuvent être pleinement que... Dans les systèmes de besoin des corporations, c'est quelque chose qui est... extérieur ou c'est en fait... C'est lié, oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de... de la police à propos de l'État, mais en fait... Oui, c'est dans la société. Oui, parce qu'en fait, c'est quand je pense à la police... C'est pas dans l'analyse de l'État qu'il est question de la police. Quand je pense à la police, en fait, à l'administration, je pense à quelque chose qui est au contraire... du côté... Moi, je pense à la police publique... Non, là, c'est vraiment une institution sociale qui résout des problèmes sociaux. Oui, mais sur un plan d'équilibre avec les autres, en fait. Il n'y a pas d'agencement hiérarchique entre corporations et police. Doivent être reprises politiquement, mais on peut pas dire que la... Il n'y a pas un concept police qui agit en fait de manière coercitive envers les autres institutions. Parce qu'en fait, quand on pense vraiment aux police, oui, mais c'est vrai que c'est pas le même. Enfin, là, c'est vraiment le sens classique c'est aussi de. Veiller sur les honnêtes citoyens la nuit dans les rues. C'est pas. Alors, Hegel, c'est pas les rondes citoyennes. très en vogue dans certaines villes italiennes, mais c'est plutôt plus maintenant. Bon. mais c'est des rôles, c'est quand même les agents de l'État qui sont chargés de. Donc quand même, donc enfin, il semble. Hein. C'est une contrainte qui est en même temps pour ils ont. Je peux dire pas une contrainte, une influence qui est parallèle. C'est ça, pas peut... derrière hiérarchique. En fait. Je pense, enfin, je crois, okay. Je crois. Enfin, tel que je le comprends, je. Enfin, par rapport à la corporation, en tout cas. Par rapport aux autres corporations qui sont à l'intérieur de. Ce qui est. Qui n'est pas déjà.